ce vendredi à La Vie en BD. Réal Godbout et Adèle Bourget-Godbout autour d'Avant l'Apocalypse. Également, regard sur l'événementiel en BD cette semaine, le Lab Dessiné, les rendez-vous de la BD et un club de lecture BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour explorer différentes facettes de cet univers. Des facettes, comme on l'a dit, particulièrement événementielles. Grosse semaine côté activités BD. Gros 2 semaines, même si on rajoute la fin de semaine prochaine, avec des activités d'exploration, des activités de réflexion et de découverte autour de la bande dessinée. On vous en parle évidemment au fil de l'émission. Également, en entrevue dans quelques instants, Réal Godbout, vous connaissez sûrement pour son travail sur Red Ketchup, sur l'excellent aussi L'Amérique ou le disparu qui nous a offert il y a quelques années. Eh bien, nouvel album, nouvel opus qui s'appelle Avant l'Apocalypse, qui nous amène dans un monde où, un monde parallèle où les dinosaures n'ont pas encore été exterminés par un cataclysme. Eh bien, quelle est la société qui en découle? Un regard de caractère un peu journal intime sur cet univers-là. Alors, on en parle dans quelques instants. Là, je vous donne simplement quelques bribes pour vous mettre dans l'ambiance si vous n'avez pas encore vu passer cet album du côté de Mécanique Générale. En matière d'actualité, plusieurs palmarès qui ont été rendus publics, notamment le Luca Comics and Games 2015, s'est tenu fin octobre dernier, a dévoilé son palmarès. Alors, c'est le voleur de livres d'Alessandro Tota et Pierre Van Hove chez Futuropolis qui a notamment reçu le prix du meilleur roman graphique. Ex aequo avec Il Porto Proibito de Teresa Radice et Stefano Turconi. Ex aequo encore pour le prix de la meilleure série, c'est Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée chez Glénat. Et Last Man de Barak Mikael Sanslaville et Bastien Vivès chez Casterman. Également Le singe de Hartlepool de Wilfried Lupano et Jérémy Moreau chez Delcourt a reçu le prix spécial du jury. Robert Kickerman, celui du meilleur scénariste pour Walking Dead chez Delcourt. Et Roger Ibanez, celui du meilleur dessinateur. Autre palmarès, celui des Utopiales. C'est un festival international de science-fiction qui se tenait également fin octobre du côté de Nantes. A décerné ses prix, notamment dans les catégories BD, c'est Les Ogres Dieux, le tome 1, chez Soleil de Hubert et Bernard Gatignol, qui a reçu le prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction. Coup de cœur du public en BD a été décerné à Soucoupe chez Glénat de Obion et Arnaud Le Gouéflec. Autre palmarès, il y en a beaucoup cette semaine. Alors, c'est les titres de la SoBD 2015. Donc, 7 titres, ils sont en liste pour le prix, papier nickelé du meilleur ouvrage sur la BD et le patrimoine dessiné. Alors, il y a 7 titres qui ont été sélectionnés dans une titre de plus de 50, d'ailleurs, qui ont été publiés depuis la dernière édition du Salon. Alors, les finalistes, c'est Catalogue de bandes dessinées de petit format pour adultes de Yves Grenet, le Comic Strip, une histoire dessinée de Jerry Robinson, Éclaircie sur le terrain vague de Christian Rosset, histoire de la bande dessinée suédoise de Frédéric Stromberg, Jack Kirby, tome 1 et 2 de Jean Depelé, et L'âge d'or de la bande dessinée belge sous la direction de Thierry Bellefoy, et enfin L'ours bleu, mémoire d'un créateur d'images, d'Étienne Delessert. Alors ben voilà, donc si jamais vous avez envie d'explorer un peu la sphère de la réflexion sur la bande dessinée, comme un peu tous les palmarès, c'est souvent le cas, c'est quand même une belle sélection d'ouvrages sur lesquels vous pouvez mettre la main. Alors voilà pour ces clins d'œil. En musique cette semaine, on y va avec la trame sonore de Shovel Knight, Plague of Shadows, et on écoute un premier extrait, The Alchemist's Haven. We'll be right back. Et j'en profite également pour vous rappeler que l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion au fil des différentes saisons. Alors, c'est sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, tel que mentionné en début d'émission, on plonge maintenant dans un univers de dinosaures qui vit dans un monde un peu à caractère 20e siècle également, un univers parallèle. Alors, c'est un peu quelques éléments qu'on retrouve dans Avant l'Apocalypse. Alors, nouveau livre de Réal Godbout, réalisé et co-scénarisé, on pourrait dire, avec Adèle Bourget-Godbout. Et c'est disponible chez Mécanique Générale. Alors, les deux auteurs sont avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lancé quelques bribes, mais donc pour le contexte, là, dans Avant l'Apocalypse, on se retrouve dans une société qui est à l'image de notre siècle, mais peuplée de dinosaures, quelques années, quelques jours, quelques heures, avant qu'un tragique météore qu'on connaît en vienne à les frapper. C'est un peu ça, si on avait à présenter. Là. Oui, ça résume pas mal. C'est une allégorie, en fait, de notre monde, mais vu... c'est comme s'il y a 65 millions d'années, les dinosaures vivaient dans une société organisée. C'est à l'époque industrielle, mais dans le fond, il y a des enjeux de l'époque moderne aussi là-dedans. Donc, on a comme mélangé les enjeux qui vivaient dans le fond à l'époque industrielle, puis aussi les enjeux qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a lancé vers cette piste-là, vers cette idée-là? Moi, c'est de ma part, pour ma part, c'est une vieille idée. Il y a longtemps, avant la naissance d'Adèle même, j'avais fait un dessin pour explorer, pour m'amuser, un grand dessin... qui est reproduit dans les pages de garde, d'ailleurs, de l'album, une grande illustration avec des dinosaures dans un décor de ville 1900, puis des dinosaures costumés, puis j'y aurais peut-être moyen un jour de faire quelque chose avec ça, une bande dessinée. Puis j'avais gardé ça dans mes tiroirs, puis un jour, ben, j'ai décidé d'en tirer quelque chose. Donc, j'ai eu l'idée d'en faire un album qui a pris une forme un peu particulière, qui fait des pages individuelles, donc c'était pas comme une BD qui se suit là, comme un récit, c'est comme des grands tableaux. J'ai démarré là-dessus, j'ai fait quelques pages, puis en cours de route, ben là, j'ai décidé de demander à ma fille Adèle de parce que je trouvais qu'elle écrivait très bien, puis qu'elle avait une belle sensibilité. Puis en plus aussi, c'est parce que le personnage central de l'album, c'est une narratrice, c'est comme une jeune dinosaure. Fait que je trouvais que Adèle pouvait très bien s'identifier à la dinosaure, donc j'ai demandé d'embarquer dans le projet. Et Adèle Bourget-Godbout, comment on a reçu justement cette invitation-là? Oui, dans le fond, ben, j'étais vraiment contente parce que dans le fond, c'est l'aspect sociologique qui m'intéressait beaucoup aussi. J'ai toujours aimé ça, la sociologie, puis l'époque industrielle aussi, ça m'intéresse. Donc, ouais, j'étais contente de faire ça avec mon père. C'est un beau projet aussi, là. C'est un projet d'équipe, dans le fond. Puis, c'est ça, c'est aussi comme je suis plus proche de la petite fille que mon père, là. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ça, oui. En fait, ça devient, dans le fond, une occasion de partager la création aussi dans un contexte père-fille, justement, d'expérimenter peut-être un peu, pour vous, Réal Godbout, d'amener un peu votre fille dans votre univers créatif qu'elle vous a, sur lequel elle vous a vu travailler depuis déjà, ben, depuis sa naissance, évidemment. Il y a un plaisir à collaborer de cette façon-là. Ça a bien été aussi, là, tu sais, on avait des idées... ça allait bien, là, vraiment, là, on se complétait, puis souvent, c'est, mettons, j'apportais l'idée, j'écrivais le texte, puis là, il faisait le dessin, ou des fois, il me disait, ah, ça peut faire ça là-dessus. Donc, c'était vraiment une belle collaboration, puis c'était vraiment intéressant aussi de voir, mes textes en dessin, c'était super, là, vraiment dans son univers, justement, là. Et justement, en fait, j'imagine que ça devenait un peu crucial au niveau narratif pour le ton du récit, pour l'aspect du récit, de dire, OK, on amène ça à travers, justement, le regard d'une jeune fille pour aller chercher une certaine naïveté, peut-être, par rapport aux événements qui sont présentés, par rapport à ce qui se déroule sous ses yeux, jouer un peu avec les degrés de compréhension qu'elle a aussi de ce qui se présente devant elle. Oui, ben c'est beaucoup de personnages. Le personnage est développé en cours de route, puis même elle n'a pas de nom, mais... elle a une personnalité particulière. C'est ses réflexions qu'on faisait vraiment développer. C'est moi le personnage en tant que tel, ça a quel âge, c'est quoi son nom, c'est pas important. Là. C'est vraiment les réflexions, puis oui, ça a évolué. Je pense que c'est un beau mélange entre naïveté puis aussi grande ouverture. T'sais, elle est très éclairée sur le monde qui l'entoure, mais en même temps, elle a une vision, c'est ça, comme on dit, dans le fond, très naïve. Là. C'est un monde décadent aussi. C'est pour ça qu'on parle, ça s'appelle Avant l'Apocalypse. C'est un monde qui fonctionne normalement, mais qui est au bord de la catastrophe. Puis c'est pour ça, je pense pas que notre monde actuel soit au bord de la catastrophe, mais il y a beaucoup de gens qui font des scénarios. Il y a des parallèles à faire, là. Il y a vraiment des parallèles à faire avec la société. Là. Et justement, en fait, j'ai l'impression que le fait de se dire on est avant l'apocalypse, même pour le lecteur, ça amène aussi un petit côté inéluctable. On sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un cataclysme qui s'en vient à relativement court terme, là, somme toute. Ben, c'est toujours en toile de fond, effectivement. Ouais. Mais on n'a pas mis l'accent sur ça. Par exemple, ça, je pense que c'est important, là. Tu sais, c'est sûr, le titre, c'est avant l'apocalypse, puis on a des petits indices durant la lecture que, tu sais, ça s'en vient, puis c'est ça. C'est théorique qui s'en vient. C'est inévitable, mais il n'y a pas l'accent là-dessus. C'est pas, la catastrophe n'est pas en avant-plan dans la BD, là. C'est vraiment, les réflexions qui sont vraiment, plus importantes là-dedans. Puis la vie quotidienne, puis la façon dont la société fonctionne, puis des... Comment on voit pas venir, dans le fond, l'apocalypse, là. Il fonctionne normalement, puis tout le monde, va qu'à ses occupations vraiment normalement, puis c'est ça fonctionne comme s'il y avait, il allait avoir un lendemain, mais il n'y en aura pas dans le fond. Exactement. En fait, l'inconfort est plus du côté du lecteur que dans ce qui est présenté dans le livre, d'une certaine manière, parce que, comme vous dites, la vie continue, le quotidien continue, les luttes entre classes sociales se poursuivent, etc., etc. Et c'est ça qui est vraiment mis de l'avant. Je le rappelle, à travers le regard, justement, de cette jeune fille-là, et j'imagine que côté textuel, ça permet aussi de porter un regard un peu sur les éléments. C'est des, par exemple, à s'étonner de choses qu'une personne plus âgée prendrait pour acquis, que ce soit une manifestation, le décorum lors d'un enterrement, etc. Oui, ben c'est la naïveté du personnage. C'est un journal intime aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ses réflexions personnelles. C'est ses découvertes aussi. Elle découvre toutes ces affaires-là pour la première fois. T'sais, la mort, elle n'a jamais fait face à ça, ni l'enterrement et tout ça. Donc, c'est comme ses découvertes par rapport à ce qu'elle voit. C'est vraiment un regard qui est frais. C'est un drôle de livre, dans le fond, parce que c'est à la fois pour enfants, pour adultes. Faudrait demander aux lecteurs ceux qui l'ont lu s'ils voient plus ça comme un livre pour enfants. C'est un peu le pari qu'on a fait de jouer un peu sur les deux tableaux. Il y a plusieurs manières de lire aussi le livre, là, d'une façon plus légère ou d'y aller plus en profondeur puis essayer de voir les parallèles puis les doubles sens, tout ça. Oui, puis à la limite, en fait, dans la mesure où les images elles-mêmes, les illustrations qui animent justement chaque séquence, chaque page, en fait, le lecteur a aussi son interprétation de ce qui se passe. Les images sont parlantes d'elles-mêmes. Ça devient à la limite même un partage d'informations, un partage de perspectives entre l'enfant narratrice de cet ouvrage-là puis le lecteur qui veut pas son opinion aussi sur ce qui se passe au bout du compte. Ouais, ben, des fois, il y a des clins d'œil dans l'image qui s'ajoutent des informations qui sont pas dans le texte, mais qui complètent. À un moment donné, je me rappelle, la petite fille va chez le dentiste, puis c'est un texte que Adèle m'avait suggéré. Puis là, j'ai décidé d'ajouter le général qui est le tyrannosaure, qui est aussi dans la salle d'attente du dentiste. Donc, les tyrannosaures aussi peuvent avoir mal aux dents. Fait. Des petits clins d'œil qu'elle ne voit pas, dans le fond, ses yeux d'enfant, mais qu'on voit aussi la scène. Il y a une manifestation de travailleurs. Dans le fond, c'est la syndicalisation qu'on voit là. Puis elle voit des messieurs fâchés, mais ça comprend pas l'enjeu, mais ça, on le voit dans le dessin. Donc, c'est comme deux visions. Puis comme vous dites, dans le fond, on peut lire avec notre opinion personnelle puis ce qu'on sait, nos connaissances. Puis après, on voit la vision de qu'est-ce qu'elle a, elle, de c'est ça. Et tout ça laisse aussi Réal Godbout une belle place au dessin. J'imagine que c'est vous êtes offert aussi avec Avant l'apocalypse. C'est quand même un beau terrain de jeu, là. Oui, on peut dire ça. Ben, je connais, contrairement à une bande dessinée traditionnelle, dans une BD, des fois, tu peux t'éclater dans le dessin, mais il y a beaucoup de dessins qui sont, dans le fond, il faut que tu suives le récit, faut que tu racontes tout, tandis que quand tu fais des illustrations pleines pages, tu dessines vraiment juste ce que tu as envie de dessiner, puis là, à chaque page, tu peux t'éclater dans le dessin, puis aller au bout des possibilités en illustration. Je pense que c'est servi là-dedans aussi, là, les couleurs, tout ça, là... C'est fait plaisir, là, mais ouais, c'est assez éclaté, ouais. Oui, en fait, en même temps, les illustrations elles-mêmes sont pleines, sont belles, sont pleines de couleurs, prennent d'éléments. Mais le livre aussi respire beaucoup, c'est très léger, c'est très aéré aussi dans la mise en page de tout ça, malgré le fait justement que les illustrations sont chargées, là, si on peut dire. Oui, ben ça, il y avait une suggestion de l'éditeur de mettre une page blanche avec le titre à gauche de chaque illustration, puis on a trouvé que c'est une très bonne idée, finalement. Ça se lit, on voit vraiment que c'est des tableaux séparés. Effectivement, ça fait une lecture plus aérée. Mais pour le dessin aussi, il y a une chose aussi, il faut dire, j'ai toujours eu un goût particulier, même si je n'avais jamais fait avant, mais pour la bande dessinée animalière. Mm-hmm. Donc, des personnages animaux qui sont anthropomorphiques, là, donc c'est des animaux, mais qui agissent puis qui sont habillés comme des humains. Il y en a plein dans l'histoire de la bande dessinée, là, Crazy Cap, puis je pense que c'était plein. Là, j'avais toujours eu le goût de faire quelque chose dans, avec ça. Donc, j'ai choisi comme animaux des dinosaures. Mais ça m'a toujours fasciné, ce genre de langage-là, cette forme-là. Oui, puis de voir de quelle manière, dans le fond, on peut réussir à humaniser, rendre expressif d'une certaine façon le caractère, la nature de l'animal, utiliser la perception, j'imagine aussi qu'on a de tel ou tel dinosaure dans le cas d'avant l'apocalypse pour alimenter aussi le sentiment, l'impression qu'on peut avoir par rapport à ce personnage-là. Puis il y a l'idée de diversité aussi, parce qu'il y a plusieurs espèces de dinosaures. Il y a le diplodocus qui est comme le grand bourgeois, il y a le tyrannosaure qui est le général qui représente l'armée, il y a les ptérodactyles qui sont des espèces de voyous qui volent des œufs. Pour s'amuser là aussi, tu sais, à faire c'est quoi les animaux de compagnie qu'il y aurait, tu sais, là dans la BD, c'est comme une iguane qu'elle a comme chien. On s'amuse aussi à dire c'est quoi leur moyen de transport, est-ce qu'il y a des chevaux, il y a tous des bateaux, on a mis un bateau, il y a tous des trains, des automobiles, c'est comme à l'époque industrielle qu'est-ce qu'il y avait, puis c'est ça, on s'est vraiment amusé là-dedans à voir comment ils pourraient fonctionner. Puis aussi, mettons, à un moment donné, dans une des BD, une des planches a dit qu'ils se comportent comme des animaux. C'est des allusions. Dans le fond, nous aussi, on est des animaux, mais c'est ça. Ouais. Et justement, est-ce que quand même eu un bon travail préparatoire avant de se lancer dans le développement de l'histoire ou du visuel, tant au niveau, j'imagine, de recherche pour le look, pour le look des dinosaures et le reste, ou pour même aussi bâtir l'architecture, justement, de cet univers-là, qui fait quoi, c'est quoi un peu, où en sont-ils rendus, etc., etc.? Ouais, ben, ça se construit à mesure, surtout que c'était, comme il n'y avait pas un scénario de récit continu. En fait, les planches ont été faites individuellement, puis on a déterminé au moment de livrer l'album, on a déterminé l'ordre de parution qui est quand même important. Mm-hmm. Donc, c'était pas planifié comme une histoire complète au départ. On accumulait, on ajoutait des éléments à mesure. Pour la recherche, c'était pas vraiment important de vraiment s'associer à l'époque. Mais là, en 1900, il n'y avait pas telle affaire. C'était pas grave. Là, mais c'est sûr que je fais beaucoup de recherches. Ouais, je fais beaucoup de recherches visuelles, mais je travaille toujours comme ça. Quand je faisais l'Amérique, l'autre album que j'ai fait avant, ça se passait à peu près au début du 20e siècle aussi. Donc, il y avait une similitude un peu dans cet univers-là. Mm-hmm. Même qu'on retrouve le personnage principal de l'Amérique, on le retrouve comme figurant dans une des pages de d'avant l'Apocalypse. Et à travers le récit aussi, il y a trois illustrations, je pense, illustrations pleine page, qui viennent aussi ponctuer les éléments. Oui, ben on voulait varier un petit peu aussi parce que donc c'est une suite de tableaux, pleine page avec un texte en dessous, mais des fois il y en a une c'est comme sur l'histoire du costume, l'autre c'est sur la géographie. Il y a un petit côté encyclopédique. Moi j'ai toujours je me souvenais quand j'étais enfant les encyclopédies illustrées pour enfants, ça me fascinait beaucoup, j'en ai conservé un peu. Puis il y a un petit peu cet aspect-là, une espèce de map monde où on voit le monde, mais à l'époque du Crétacé, mais comme une espèce de map monde illustré là, comme il y avait dans les encyclopédies pour enfants. C'est qu'il y a un peu, il y a ce côté-là aussi. Il y a un petit côté encyclopédique, même un peu de vulgarisation scientifique accessoirement, là, mais je veux dire, par exemple, il y a des idées sur la théorie de l'évolution, puis indirectement, là, mais ça fait partie un peu du propos du livre. C'est comme des petites pauses, dans le fond, ces pages-là, c'est les pleines pages, là. Tu peux t'arrêter, puis tout, tu sais, l'image est tellement pleine, il y a tellement d'éléments dans cette image-là. Tu peux faire une petite pause puis prendre ton souffle puis regarder tout ça, ce dessin-là. C'est comme une petite pause dans le livre. Là. Oui, puis même en général, en fait, c'est le genre de livre où j'ai l'impression on fait une erreur à le lire rapidement. Il faut vraiment prendre le temps justement de savourer chaque page, les ambiances, l'esprit. Puis à la limite, c'est un livre qui, au contraire, en fait, j'ai l'impression comme lecteur, on chemine tranquillement avec ce livre-là. On le feuillette aussi, même à la limite. Comme vous dites, on peut passer une planche simplement, on peut le lire dans le désordre, dans l'ordre. Il y a un côté journal intime, un côté encyclopédique qui donne une belle liberté aussi, j'ai l'impression, pour le lecteur. Bon, le lecteur, oui, il est fascinant de passer d'une page à l'autre là, dans le désordre. Mais il y a un côté, je pense que c'est un livre qui est fait pour être lu au ralenti. Mm-hmm. Vraiment. Avec beaucoup d'observations, puis prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit aussi. Là. C'est sûr qu'on peut lire dans le désordre. Moi, je pense que l'ordre est quand même assez important. Là. C'est sûr qu'on ne doit pas lire à la lettre comme une BD normale. Là. Mais l'ordre, je lirai dans l'ordre, moi. Mais il y a un univers qui se construit à mesure, des personnages qu'on apprend à connaître. Ça évolue, là. Il y a la petite fille, il y a son petit frère, il y a son père, il y a sa mère, il y a son cousin, il y a la voisine, il y a le... En tout cas, bon. Mais enfin, on apprend à découvrir en fait l'univers, les différentes facettes, puis effectivement, on sent vraiment aussi la progression de planche en planche, parce que plus on en connaît, ben plus aussi la petite fille elle-même a des réflexions qui sont en lien avec d'autres éléments qu'elle a amenés aussi. Il y a comme des clins d'œil là, qu'on comprend parce qu'on a lu d'autres pages avant, ouais, c'est ça. Il y a quand même une continuité. Il y a c'est des tableaux séparés, mais il y a quand même un scénario qui se construit. Je pense que quand on lit les tableaux un après l'autre, ça forme une histoire quand même. Oui. Chaque planche, je sais, n'a pas la même légèreté. Il y a des planches vraiment, tu sais, c'est léger, c'est un peu un feel good, tu sais, c'est comme tu te sens bien en lisant ça. Puis il y en a d'autres qui c'est plus profond, c'est plus des réflexions un peu plus difficiles. Ben il y a une balance aussi entre les pages. Tu sais, si on est un peu dans le désordre, il y a un côté tendre puis un côté cruel en même temps. Il y a un côté léger puis un côté. C'est pour ça quand je dis qu'on joue un peu entre la BD pour adultes puis pour enfants. On joue un petit peu ces deux tableaux justement à cause de la première page déjà, c'est la petite fille qui dit que quand elle était petite, sa mère racontait des histoires, des contes, là, comme le petit chaperon rouge, puis elle vient de réaliser que c'est des histoires absolument horribles. Fait que c'était un peu le passage justement de la naïveté de l'enfance à la lucidité de l'adulte. C'est un peu le thème de fond, là. Et c'est les éléments qu'on vous invite évidemment à découvrir dans ce récit. Donc, je rappelle, ça s'appelle « Avant l'apocalypse ». C'est disponible depuis peu aux éditions Mécanique Générale. Et Adèle Bourget-Godbout, Réal Godbout, est-ce que vous auriez envie, au terme de cette aventure-là, de réitérer une nouvelle collaboration père-fille? Ou au contraire, on s'est dit, ben on s'est donné la permission de le faire une fois et ben ça soit justement un beau moment passé ensemble comme ça? On sait jamais. Moi, je vais continuer dans la bande dessinée, dans le dessin, l'illustration le plus longtemps possible. Adèle, peut-être qu'elle va être supposée de devenir psychologue. je me dessine pas. Ça n'empêcherait pas d'écrire, mais là, ça dépend d'elle. Il y a une chose que j'aimerais peut-être faire quand même, si jamais on décide de poursuivre dans cette veine-là, ce serait de faire vraiment un album qui serait une vraie BD avec une histoire, avec un scénario continu, comme une BD classique, là, avec cet univers-là. Peut-être qu'un jour, on pourrait s'attaquer à ça, mais là, je ne sais pas dans mes projets immédiats, mais pas mal d'autres projets déjà. Alors on met ça dans notre pile à suivre, et d'ici là, évidemment, on peut se mettre sous la main, donc avant l'apocalypse. Mais je n'attendrai pas 30 ans. Adèle Bourget-Godbout, Réal Godbout, merci à vous deux. Bien, merci. Merci. Au plaisir. Alors, je le rappelle, donc avant, l'Apocalypse est disponible du côté des éditions Mécanique Générale. Toujours des extraits de Jake Kaufman, trame sonore de Shovel Knight, Plague of the Shadows. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, La vie en BD, Raymond Poirier au micro. Et on porte maintenant un regard, on tombe pour les prochaines entrevues dans l'événementiel BD de cette semaine et de la semaine prochaine. Et notamment ce soir, il y a un premier lab dessiné, présentation de Parenthèse 9 et de la Maison de la Littérature. Un lab dessiné autour des langages cinématographiques, donc soirée de dessin improvisé. Et pour en parler un peu avec nous, eh bien, on est en compagnie de l'auteur et illustrateur dessinateur Francis Desharnais qui participe au spectacle de ce soir. Francis, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans le côté dessin performatif à travers tout ça. C'est une nouvelle exploration à laquelle tu contribues j'ai l'impression, en fait, pour toi, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui fait l'intérêt, peut-être le potentiel du côté performatif, justement, du dessin, de le faire en live sur scène? Ben, en fait, c'est que ça fait près de 5 ans que je fais ça. L'intérêt, c'est de sortir le dessin de ces zones habituelles qui sont en bande dessinée, qui sont le livre ou l'illustration ou même je dirais les arts visuels. Avec le côté performatif, ben là on est plus dans le processus de création, donc on est plus dans le ce qui fait l'intérêt et pas tant l'œuvre finale, j'ai envie de dire, mais c'est aussi la façon d'y arriver, c'est la façon de comment qu'une illustration est créée. Et dans le contexte du lab de ce soir, ben, le nom est bien choisi. Je pense qu'on l'a choisi un peu pour ça, d'ailleurs, puisque j'ai le plaisir de contribuer à l'organisation de tout ça. Mais l'idée, c'est qu'on s'en parle maintenant, mais dans le fond, de manière rationnelle, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer sur scène ce soir. On a une très grande idée, mais on sait quand même la direction, dans la mesure où, habituellement, dans les spectacles de dessin en direct comme ça, il y a une caméra fixe qui est située au-dessus de la planche à dessin, ce qui fait qu'on peut voir les mains du ou des dessinateurs en train de créer. Un des intérêts, je trouvais, de ce laboratoire, du laboratoire de ce soir, c'est que, justement, on enlevait la caméra de son trépied et on se donnait la possibilité de jouer davantage avec des éléments qui sont peut-être plus proches du cinéma. Donc, on peut parler d'utilisation de travelling, de panoramique, de zoom-in, de zoom-out, de champ contre champ, bon, de jouer aussi avec le documentaire ou dans la façon où on peut filmer le réel, puis comment on peut intégrer le dessin dans le réel, mais dans un contexte performatif. Donc, c'est d'explorer vraiment précisément un aspect du dessin live qui est celui de la caméra. Oui, en fait, à la limite, quand on jasait un peu de cette activité-là, je me dis, mais pourquoi on n'a jamais pensé à la décrocher, cette caméra-là, justement? Ça fait quand même quelques années qu'on explore, là. Oui, mais je dirais pour ne serait-ce que pour des questions de maniabilité, parce que c'est quand même gossant de la replacer. si vous me passez l'expression. Mais en fait, à l'impro BD, des fois, ben on s'est amusé des fois à rapprocher, à jouer quand même un peu mm-hmm. avec la notion de cinéma, parce que en rapprochant la feuille de la caméra ou en l'éloignant ou fait qu'il y avait quand même des essais qui ont été faits en ce sens-là qui méritent juste à être développés. Oui, puis en fait, je trouve intéressant le contexte justement d'amener aussi un nouveau filtre, un autre regard, autre que celui des performeurs au dessin, du moins, à travers l'œil d'un réalisateur. Dans le cas de la soirée de ce soir, c'est François Mercier. Et donc, il lui manipule la caméra, lui va apporter son regard sur le travail que tu vas faire avec Richard Valran et Valmo. Oui, tout à fait. Puis, pardon. Et je suis convaincu qu'il va apporter justement peut-être des façons que nous, les dessinateurs, on n'aurait pas pensé de créer, que lui il dirait, vous pourriez peut-être aller dans cette direction-là, ça va me permettre de faire de filmer de telle façon. Donc, j'aime bien aussi le fait de pouvoir apporter quelqu'un d'une autre discipline dans ces laboratoires-là. Oui, surtout que lui, il a quand même un certain bagage en dessin, en graphisme, en parallèle de son travail de réalisation, de monteur, etc. Donc, il y a une connaissance aussi du médium qui va filmer. Oui, oui, puis qui va nous être utile, là, qui va être utile à toute l'équipe, là, je suis convaincu. Et peut-être une petite idée, tu disais tantôt, on part quand même avec une certaine idée de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu quelque chose que tu vas avoir, que tu as la ferme intention d'essayer ce soir avec les autres? En fait, ce qu'on avait parlé, c'était peut-être de voir avec, mettons, créer un genre de plan-séquence où les dessinateurs feraient une espèce de grande fresque avec beaucoup de détails et ensuite le réalisateur peut venir créer une histoire, mais en s'approchant de la feuille et puis en croppant en bon français, en ciblant des éléments de cette grande fresque-là, puis passer d'un élément à l'autre, puis bon, faut pas oublier qu'il va y avoir un accompagnement des musiciens aussi, et Nicolas Joblin nous a dit qu'il assurait aussi un peu l'aspect de la narration, parce que bon, dans le cinéma, il y a quand même cet aspect-là aussi qui est important. Donc, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que tout ça va nous amener. Effectivement. Donc, le plaisir de jouer un peu avec, dans le fond, les langages cinématographiques et de voir de quelle manière on peut faire. Parce que, dans une certaine mesure, et en terminant, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir des spectacles impro BD, il y a certaines séquences, des séquences dessinées, qui prenaient presque l'allure de très rudimentaires courts-métrages, au bout du compte, là. Oui, ben, en fait, souvent, ça, c'est dû au fait que, encore là, ça, c'est la faute à la caméra, j'ai envie de dire, parce que, quand on voit habituellement du dessin, ben le dessin est terminé, est fixe. Donc là, en ayant la caméra, ben on peut jouer avec le temps aussi. Mm-hmm. Et puis le temps, dans le fond, un film, c'est ça. C'est une histoire racontée dans le temps. Alors bon, ben il y aurait le moyen de faire des définitions plus poussées que ça, là, mais bon, disons que c'est un des aspects du cinéma. Donc c'est ce qui permet en décrochant la caméra, en la rendant plus maniable, de peut-être rendre ces performances-là plus dynamiques. Et on va découvrir ce soir justement de quoi tout ça va retourner et quelle exploration il va être livré avec l'équipe, Frédéric Brunet, Nicolas Jobin également, les musiciens. Alors, ben, Francis Dernay, on te laisse retourner aux préparatifs. Oui. Et à tout à l'heure. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, donc, Lab dessiné, sous-titré BD ciné, premier d'une série de laboratoires d'expérimentation ludique qui sont présentés du côté de la Maison de la littérature en collaboration avec Parenthèse 9. Et c'est donc première ce soir à 20h. Alors ben voilà pour ce clin d'œil. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous. Et on en a parlé il y a quelques semaines quand on avait croisé JF à l'occasion de l'entrée de la Chope à Bulles dans la Maison de la littérature. Un club de lecture BD qui va être mis en place. Il y a un premier rendez-vous qui a été lancé depuis une date, le 15 novembre prochain à 10h dans le boudoir de la Maison de la littérature. Et l'hôte de ce premier club de lecture, eh bien, ce sera nul autre que JF qui est avec nous au bout du fil pour nous présenter un peu tout ça. JF, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, le thème de ce premier club-là, tu as choisi d'y aller avec Petites histoires de grands peintres. Qu'est-ce qui t'a lancé un peu vers ce choix-là? Oh, ben, tu sais, à la base, je cherchais un thème parce que il y avait plein de possibilités devant moi, mais je pouvais dans lequel je pouvais lancer le club. Puis, j'avais lu tout récemment Rembrandt de Tippex. Et puis, je me suis dit, tiens, ça, c'est un des gros morceaux de cette année qui est sorti en bande dessinée. Puis, je pense que ça vaudrait la peine qu'il fasse partie du club. Donc, à partir de là, j'ai comme déroulé un fil en disant, bon, ça va être sur les peintres. Et puis, il y avait Frida Kahlo, puis il y avait Le Caravage qui était sorti aussi cette année. Donc, ça marchait super bien. Et justement, mais tu parles du Rembrandt de Tippex chez Casterman. Qu'est-ce qui t'a accroché dans cet album-là? Ben c'est tellement un objet particulier, autant dans sa forme narrative que dans sa façon que ça a été, je pourrais dire, l'objet en tant que tel, la façon qu'il a été publié, que c'est un ovni. Là. C'est une BD qui est intéressante, mais qui est pas facile d'approche quand même, autant au niveau graphique qu'au niveau du personnage, du récit, là, de ce qu'on a raconté. Parce que j'imagine que c'est toujours un peu ça dans l'équilibre de ces albums-là, où on se dit, d'un côté, on s'attaque à des gens qui ont déjà un sens visuel, quand on parle de Rembrandt, Frida, du Caravage et d'autres, mais en parallèle, il y a un côté historique aussi de ce qu'on raconte, que ce soit dans l'épisodique ou dans la grande histoire. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, moi, ce que je voulais, c'est avoir des albums qui étaient quand même assez bien documentés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du quatrième album, qui est celui de Philippe Gérard, qui est Dieu Velasquez, qui est un petit peu à part là, des autres. Mais pour le Caravage, Rembrandt, puis puis Sébastiano, c'était des histoires avec un contexte historique très, très fort. Donc, des histoires qui sont bien documentées, des histoires qui, justement, qui dans lesquelles on apprend plein de choses sur les peintres. Oui, puis en même temps, dans l'exemple de Frida, il y a aussi quelque chose dans l'esprit de l'album qui nous fait penser un peu à l'univers visuel aussi de la peintre dont il est question dans l'ouvrage. Oui, oui. Ben, le scénario de Frida Kahlo est construit comme des peintures qui sont dans lesquelles on évolue d'une page à l'autre. C'est un peu comme des petits tableaux à chaque page. Et puis, c'est assez particulier comme mise en scène, parce que... Moi, personnellement, ce que je trouve. Hein. Et c'est un livre avec lequel, en fait, tu as entretenu une certaine relation avec l'auteur, le scénariste Jean-Luc Cornette, puisque vous avez été copain d'atelier pendant quelques semaines au fil de l'été. Exactement. Il est venu passer presque 2 mois avec nous à la Chapadule. Donc, c'est vrai que là, ça fait aussi un lien plus particulier avec l'album, pour moi, personnellement. Mais je voulais le faire aussi découvrir aux lecteurs, là. Et pour le Caravage de Milo Manara chez Glénat, en fait, je fais la parenthèse, Frida Kahlo, c'était chez Delcourt Mirage. Et pour le Caravage, c'est le premier tome d'une série. Qu'est-ce qui t'a happé, autre que la thématique, vers cet album-là? En fait, pour le Caravage, c'est un diptyque. Hein? Donc, c'est le tome 1 de 2 tomes. Okay. Ça reste quand même une histoire qui se complète assez bien. Même si on lit juste le premier tome, on n'est pas sur sa fin à... lorsqu'on achève la lecture de l'album. Ce qui fait que je me disais, bon, ça peut aussi s'intégrer dans un club de lecture, puis en même temps, ben, si les gens ont vraiment accroché sur le récit, ben, peuvent lire sur la suite, qui devrait sortir, je pense, d'ici un an. Mais la chose particulière que je trouvais avec le Caravage, c'est qu'on connaît tous Milo Manara comme étant un des auteurs érotiques des années 90-2000. Et donc, c'était de voir comment cet auteur-là allait traiter justement un peintre, un grand peintre comme le Caravage. Donc, c'était ça reste quand même un album qui est emprunt un peu d'érotisme, là. Donc, dans l'esprit de l'auteur, mais où on sort un peu aussi de ce pourquoi on le connaît peut-être un peu plus, justement. Exactement, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était quand même un récit qui était encore une fois bien documenté. Puis, on sent que Milo Manara avait une passion pour le Caravage. Et tu le disais tantôt, JF, tu es Velázquez de Philippe Girard chez Glénat également. C'est un peu l'ovni dans cette sélection-là, dans mesure où c'est pas l'art le sujet principal, le sujet central de l'ouvrage. Il est plus là en parallèle. Exactement. Donc, ça reste quand même... en fait, on y parle de grands peintres, mais c'est sûr que c'est vraiment qu'un seul élément qui est pas le cœur du récit. Mais je trouve ça intéressant, entre autres, d'apporter au moins un album d'un auteur québécois dans le club de lecture. Ça, je pense qu'il faut que ça reste dans la plupart de nos clubs. On va toujours avoir dans la sélection au moins un auteur québécois. Et puis, là, dans ce cas-ci, je trouvais que Thierry Velázquez, on parle, c'est sûr, des grands peintres, mais là, c'est vraiment une petite histoire de grands peintres dans un récit qui est très, qui est complètement même autobiographique, là, dans le cas de Thierry Velázquez. Et tout ça dans le contexte du club de lecture, comment t'envisages un peu l'animation? Est-ce que tu as apporté des thématiques, des éléments de discussion? Comment ça va se passer? Ben, alors, là, c'est vraiment notre première expérience, donc j'avoue que je suis encore un petit peu nébuleux sur à quoi va ressembler un peu le club, mais je dirais que dans l'ensemble, moi, je vais apporter toujours une espèce d'introduction sur chaque album, peut-être aussi parler un peu de l'auteur, et puis après, ben, ça va être tout le monde va pouvoir dire chacun après l'autre, à chacun son tour, qu'est-ce qu'ils en ont pensé graphiquement, narrativement, s'ils ont aimé, ne pas aimé. Ça va être très, très convivial. On n'est pas là pour faire une conférence universitaire. Là. L'idée, c'est qu'on est autour d'un café ou d'un thé ou d'un jus, puis on discute des albums qu'on a lus. Oui, donc en fait, la description d'ailleurs parle de beaucoup de convivialité. On n'a pas de durée déterminée, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures. Ça dépend des discussions. Dans le fond, on s'adapte, on s'ajuste, on y va spontanément. C'est ça, exactement. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est d'être de se faire du fun, dans le fond, puis d'être de voir aussi qu'est-ce qui a choqué les uns, qu'est-ce que les autres ont aimé, des albums. Tu sais, puis ceux qui n'auront pas lu toutes les quatre tomes, les quatre albums proposés, ben, ça peut arriver qu'il y a dans le groupe des gens qui ont lu qu'un seul album ou deux albums, ben le fait d'écouter finalement la description ou d'écouter ce que les gens ont à dire de cet album-là, ça va peut-être leur donner le goût de le lire. Donc, c'est un peu le principe, là. Et j'en profite pour mentionner d'ailleurs aussi qu'il n'y a pas d'investissement obligatoire, c'est-à-dire l'achat de l'album. Les titres que tu as choisis, ben, c'est tous des titres aussi qui sont disponibles dans le réseau de la Bibliothèque de Québec. Donc, on peut facilement mettre la main dessus, là. C'est ça, exact. Puis moi, ben, dans le cas du premier club, moi, j'ai aussi des exemplaires avec moi. Au pire des cas, je peux les prêter. Bon, si les gens passent à la chape à bulle, puis peuvent le lire sur place, l'album, on a la bibliothèque à côté, donc ils peuvent s'installer, lire l'album, puis après ça, me le rendre à la fin de la journée. Donc ça, c'est toujours possible. Alors, ben voilà, plusieurs invitations, plusieurs possibilités. Et si les gens veulent s'inscrire, ben ils vont sur Facebook, sur le Facebook de la chape à bulle, facebook.com/lachapeabulle, je pense. Et, ça peut être par chape à bulle, ça peut être directement aussi sur le site de la Maison de la Littérature. Oui, effectivement. Ou encore passer à la Maison de la Littérature, puis s'inscrire directement là aussi, c'est possible. Voilà, alors autant de possibles également. Je rappelle, c'est le 15 novembre prochain à 10h dans le boudoir de la Maison de la Littérature. Tu en es l'hôte, JF, et donc ben, on se dit à très bientôt de notre côté, puisqu'on aura l'occasion de se recroiser pour jaser de Broadway. Excellent. Salut, merci bien. Beaucoup. Merci. Avec cette trame sonore de Shadow Knight, Plague of Shadows, qui nous accompagne au fil de l'édition d'aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Et je vous rappelle également qu'il y a d'autres manières de poursuivre le dialogue, l'échange entre les émissions, notamment via Facebook, facebook.com/lavieenbd, et également sur mon blog personnel, donc voir.ca/raymond-poirier. Et on poursuit dans le regard événementiel. On vient de parler d'un club de lecture BD. Parlons maintenant d'une autre occasion d'aller à la rencontre d'ouvrages et d'auteurs. Alors, c'est les rendez-vous de la BD. Évidemment, on continue de suivre cette programmation avec une vive attention. Et ben, le prochain événement, c'est un anniversaire tout particulier. Alors, pour jaser avec nous de cette rencontre qui s'appelle De Laffe et Dubuc, les nombrés du monde, qui a lieu mercredi 11 novembre prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Ben, son animateur, Michel Giguère, bonjour. Merci de me recevoir, M. Poirier. Toujours un plaisir, évidemment. Et Michel, dans le communiqué de l'activité, on peut lire que pour souligner leur 10e anniversaire, les rendez-vous de la BD s'offrent en cadeau la visite de Delaffe et Dubuc, les créateurs des Nombris. Alors, Michel, pourquoi eux comme cadeau plutôt que d'autres? La question se pose, effectivement. Ben écoute, premièrement, je les ai jamais reçus. C'est une bonne raison. Deuxièmement, je m'en serais voulu de passer à côté du plus grand succès de la bande dessinée québécoise pendant qu'ils sont au sommet. Troisièmement, tous les deux sont vraiment sympathiques, très articulés. Il y a ça aussi, hein, parce que on reçoit des invités. Souvent, je reçois des invités européens que je n'ai jamais rencontrés, et j'apprécie leur œuvre, mais je suis pas toujours, je connais pas la personnalité, je sais pas si ça va bien se passer. Tandis que là, ben, c'est des gens que j'ai croisés puis recroisés, et je sais que pour le public, ça va être un plaisir de les entendre parler de leur œuvre. Par ailleurs, pourquoi eux? Ben parce que au rendez-vous de la bande dessinée, c'est assez rare qu'on s'attarde à la bande dessinée qui s'adresse aux ados, fait que là, ça va être une belle occasion. Ensuite, le 10e anniversaire des rendez-vous, ben ça coïncide avec le 10e anniversaire de l'arrivée des Nombris dans la revue Spirou qui les a lancés en Europe. Et enfin, moi qui, comme tu sais, qui suis aussi allergique aux préjugés envers la BD qu'à l'élitisme de ceux qui disent qu'ils réalisent pas ou qu'ils lisent pas des albums mais des livres, ou qui ils font pas ou ils lisent pas de la BD mais des romans graphiques, eh bien je me fais un point d'honneur de présenter et de présenter vraiment de manière approfondie une BD grand public, une BD voire même commerciale. Ça fait un petit peu dans le fond un contrepoint avec mes choix de thèmes, mes choix d'invités qui sont souvent intellectuels, disons-le là. Et en fait, on disait le titre de l'activité tantôt, les Nombris du monde. Tu mentionnais que de la Fée du Buc sont bien sympathiques, et justement ton communiqué prend bien soin de préciser que ils ne se prennent pas comme pour les Nombris du monde, justement. Oh, oui, ça pourrait ressembler à ça comme formulation là. Non, écoute, moi je les croise, je les connais pas personnellement, mais je les croise depuis plusieurs années, lors notamment du Festival de la BD à Québec. Et il me semble vraiment qu'ils sont restés tout à fait modestes, tellement accessibles pour le public, pour les lecteurs qui font la queue devant leur table. Et puis, par ailleurs, les Nombris du monde, pourquoi? Ben parce que le monde les a adoptés, et pas qu'au Québec, dans la francophonie en général, puis même ça fait l'objet de traductions dans d'autres langues. Leurs nymphettes là ont été adoptées par plein de monde. Je suis pas sûr que le grand public québécois réalise vraiment, mais j'ai quelques chiffres ici tirés de des études de Gilles Ratier de l'Association des critiques de bande dessinée. Les derniers tomes des Nombris, le tome 3 en 2008, 146 000 exemplaires, le 17e plus gros tirage, mais les tomes 4, 220 000 exemplaires en 2009, le 10e plus gros tirage. Et puis en 2011 et en 2013, pour les tomes 5 et 6, le tirage est un petit peu plus modeste que 220 000 copies. C'est du 160 000 puis 170 000 copies, mais c'est le marché qui s'est contracté là. Ils étaient quand même au 9e rang parmi les plus gros tirages de la bande dessinée en français. Ça exclut les mangas, mais ça comprend les bandes dessinées américaines. Et puis même, je te dirais, côté manga, il y a peut-être deux séries qui s'ajoutent là dans ce top-là. Fait que c'est vraiment un best-seller absolu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que au-delà des chiffres, ce qui fait que peut-être qu'il y a tant de lecteurs qui l'ont adopté, c'est la qualité de ce qui est proposé. C'est des bonnes BD, en fait, d'un point de vue parfaitement objectif. C'est excellent ce qu'ils offrent. Et j'imagine que justement, ça fait partie de différents facteurs qui font qu'il y en a tant à travers le monde, à travers la francophonie, qui ont adopté l'univers des Nombris. Évidemment, mais écoute, dans l'histoire, là, il y a peut-être des choses qui sont pas de très bonne qualité, qui ont beaucoup de succès, mais il reste que par-delà les goûts, par-delà qu'on fasse partie ou non du public cible, à un moment donné, la masse, ça se trompe pas tout le temps, là. Et les Nombris, moi, écoute, j'ai accueilli cette bande dessinée-là à l'époque dans le paysage de la bande dessinée québécoise avec beaucoup de soulagement, parce que je trouvais que du côté de l'édition d'albums, on était un peu frileux et qu'on se cantonnait souvent dans un humour très gentil. Or, De la Fée du Buc arrivait avec un humour qui déchire. Il suffit de relire les premiers tomes, puis écoute, moi j'ai eu la chance là de ces dernières semaines d'abord de relire toute la série, et puis avec à côté de moi, à mes côtés, mon amoureuse qu'ils avaient jamais lu et qui est en train de les lire là un après l'autre là dans l'ordre, et puis avec des grands yeux, puis des fois je l'entends rire, mais elle en revient pas à quel point c'est un humour méchant et cruel. Et puis ben moi je trouve que ça faisait du bien, un humour aussi assez cru, et c'est vraiment pas fréquent pour de la bande dessinée destinée aux adolescents, particulièrement au Québec. Oui, en France, tu sais, il y a Titeuf, il y a petit Spirou qui sont assez tendancieux, qui ont une tendance un petit peu à des allusions sexuelles ou autres. Mais au Québec, d'ailleurs, la revue, elle est d'abord apparue dans la revue Safarir, et puis à part dans des magazines comme ça, on n'aurait pas pu voir ça autrement. Fait que de voir qu'après coup, ça paraît dans Spirou, après coup, c'est publié en album chez Dupuis, puis là, ça bénéficie d'une très large diffusion. Moi, ça me faisait vraiment plaisir. Mais sinon, il n'y a pas que ça. Écoute, visuellement, là, entendons-nous, les dessins, c'est un tour de force. Là. C'est d'une souplesse, c'est attrayant, c'est consensuel. Les couleurs sont vraiment chatoyantes. Et c'est d'une clarté. Moi, je suis épaté. J'imagine un petit peu leur discussion hein, à eux deux, parce que bon, c'est de notoriété publique que c'est un couple dans la vie. Et la scénariste Maryse Dubuc, vraiment surcharge ses gags de longs dialogues, de beaucoup de scénettes, donc de beaucoup de cases différentes. Et là, j'imagine, j'ai hâte de leur demander, de leur en parler, mais j'imagine le pauvre Marc de La Fontaine regarder ça puis dire, mais mon Dieu, mais je vais avoir 15 cases plein de textes, comment je vais faire pour mettre ça dans la page? Eh bien, il y réussit sans effet de lourdeur. C'est tout le temps des belles pages claires et qu'on a envie, dans lesquelles on a envie de plonger. Et puis, ben, les scénarios, là, j'ai l'air de me moquer un petit peu de Maryse Dubuc, mais ces scénarios sont touffus. Il y a une dimension psychologique, sociologique, dans lesquelles les jeunes lecteurs se reconnaissent. Et puis, c'est finalement une série, pour ce qui est d'expliquer leur succès, c'est pas tout d'avoir du succès. Le plus dur, c'est de durer. Mm-hmm. Là, ils sortent le 7e album. C'est un accueil, là. Tu sais, c'est un gros succès éditorial, encore une fois. Alors, pour ce qui est du succès, de la clé du succès à long terme, moi, je me dis qu'à l'instar de la série Lou par Neil, eh bien, c'est une série qui a su mûrir avec son lectorat, qui a fait vieillir ses personnages et qui a fait évoluer la série vers le drame, vers le thriller. Et puis, ça, je suis persuadé que ça a vraiment contribué à éviter la redite et puis garder un public qui a plus de 12 ans, mais qui est rendu qu'il y en a 15, puis qu'il y en a 17, puis qu'il y en a 20. Et Michel Giguère, tu me disais aussi, dans ta recherche, dans ton travail de préparation pour la rencontre de mercredi prochain avec Delaf et Dubuc, que tu avais remarqué que la série, par moments, faisait l'objet de certaines suspicions, de préjugés par rapport aux valeurs qui étaient véhiculées à l'image des jeunes filles, etc. Donc, c'était présent en filigrane, tout particulièrement dans peut-être les débuts aussi de des Nombrés. Ouais, c'est pas tant dans mes préparations. Je t'avouerais que au fil des années, dans mon travail de médiateur, d'animateur, de conférencier, quand je visite des écoles, quand je visite des bibliothèques, je sens chez le personnel enseignant et le personnel des bibliothèques, puis lors de congrès aussi, vraiment, oui, comme tu le dis, une certaine suspicion. Ou alors, tout au moins des réserves, des questions très prudentes. Vous, comment vous trouvez ça, les Nombrés, tu sais? Et puis, ben moi, je suis bien content de leur dire ma façon de penser. Et je me dis, dans le fond, tant mieux si cette série-là fait pas l'unanimité puis qu'elle soulève une certaine méfiance. C'est signe qu'elle recèle quelque chose de subversif. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse accrocher une masse critique de lecteurs adolescents là, avec des héros parfaits pis lisses, avec des histoires édifiantes, des histoires moralement irréprochables. On n'est plus en 1940. Là. Alors, pour le reste, ben, il y a d'une part les détracteurs qui prennent tout au premier degré et qui n'ont pas compris que les auteurs, eh ben, ils dénoncent le nombrilisme et l'hypersexualisation des jeunes filles. Ils dénoncent les valeurs comme la superficialité, le narcissisme, l'apparence physique. Et d'autre part, il y a le phénomène des lecteurs qui sont trop jeunes. Et ça, c'est un problème que Delaf et Dubuc ont identifié assez tôt dans leur parcours. Leur BD attire des lecteurs qui n'ont pas nécessairement encore la maturité requise pour vraiment saisir ce même second degré dont je parlais, pour saisir le ton dénonciateur et moqueur. Alors là, là-dessus, oui, on peut être vigilant puis s'assurer que nos enfants ou nos élèves lisent les Nombrés quand ils sont prêts. Mais sinon, moi, le côté un peu subversif, là, je lève mon chapeau à ça. Et peux-tu nous parler un peu de la dimension formelle de la série? Ouais, hein, on oublie souvent, hein, on parle souvent justement de ce que je viens de parler du côté un petit peu dérangeant, mais on parle pas beaucoup de ce que ça représente comme défi sur le plan de la forme de la planche. Alors, premièrement, en tant que genre, ben, c'est du gag. Et le gag, ça doit obéir à une mécanique très précise, une mécanique implacable. À défaut de quoi, ben, le gag, il tombe à plat, là. Deuxièmement, c'est un tour de force narratif parce que tout à la fois, c'est un gag, mais aussi un récit continu. Donc, quand ça paraît dans les revues, bon, d'abord Safari, puis ensuite Spirou, eh bien, ça fait une planche qui se tient narrativement parlant. Ça raconte une espèce d'historiette, là. Et après coup, quand c'est republié sous forme d'album et qu'on met ces planches-là bout à bout, on se rend compte que ça forme un récit continu dans lequel il y a une chute à la fin de chaque page. Ça, je sais que c'est pour eux vraiment un casse-tête, là. Et puis, troisièmement, sur le plan graphique, ben, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de textes, mais jamais sans qu'on sente une surcharge. Et ça, c'est grâce à la mise en scène, à la mise en page, c'est grâce au dessin clair et précis, c'est grâce aux couleurs qui contribuent aussi à la clarté visuelle de l'ensemble. Et on parlait tantôt, Michel, du phénomène autour des nombrés et de la grande popularité de la série. Alors évidemment, ça a généré aussi, ça a amené nombre de produits dérivés, des figurines, des agendas. Il y a un aller-retour entre ces produits-là et la vente d'albums aussi, on peut l'imaginer. Ouais, puis c'est de bonne guerre. Je sais qu'il y a toujours des gens pour être suspicieux envers quoi que ce soit qui connaît du succès puis qui exploite le côté un peu commercial de ça. Moi, je me dis, c'est super. Là, ils sont en train de préparer, et puis je sais que Maryse Dubuc participe au scénario de ça, là. Ils sont en train de préparer un long-métrage d'animation, là. Ça va être quelque chose de peut-être, je sais pas si ça va être une coproduction québécoise et franco-québécoise, mais en tout cas, les artisans de ça ont l'air majoritairement surtout d'être des Québécois jusqu'ici, là, de ce que j'en ai appris, là. Et puis, ben, ça aussi, ça va assurer une diffusion, un élargissement du public. Je pense qu'il faut se réjouir de ça. Et je me dis qu'en amont, eh ben, le style de l'AF, son style graphique, très simple, très rond, se prêtait parfaitement tant à la création de figurines en plastique qu'au passage, qu'à la transposition en dessin animé. C'est comme si d'emblée, visuellement parlant, c'était déjà fait pour être transposé. Alors, on invite les gens fait à poursuivre et à amorcer peut-être ce dialogue entre toi et de l'AF et Dubuc. Donc, dans le cadre de cette entrevue, cette rencontre que tu vas offrir à la bibliothèque Gabriel Leroy, je rappelle, le mercredi 11 novembre à 19h. Alors, Michel Giguère, on se dit à mercredi et au mois prochain. Super, j'y serai. Salut bien. Ciao. Alors voilà donc les rendez-vous de la BD. Et nous, c'est ainsi que l'émission se termine. On sera de retour vendredi prochain à 17h30 avec, entre autres avec nous, Michel Rabagliati et Bac. Alors c'est Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous ce vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes du 89.1.